llamo? Violet. Les murs, la nappe, sa robe. Elle me raccompagnera sur le palier. Je descends quelques marches. Je la bénis de la main gauche, insistant sur l'amen vertical. Le nom de la Vierge, du signe de la croix. Ce soir-là, nous étions ravis l'un de l'autre. Déjà, se commuaient les yeux de notre désir et nous pouvions veiller. Je pourrais fleurir cette nuit de ma vie. Et quand je retrouvais ma chambre, je savais qu'il y avait quelqu'un pour désirer connaître, non pas celui pour qui je me prenais, mais ce que je faisais, et mon désir d'être connu faisait que je n'aspirais alors qu'à connaître cette femme qui prenait le nom de Marie. Elle savait que cela ne pouvait être que moi. 5, le seul chiffre impair qui soit féminin. Nos yeux avaient croisé ce qui devait advenir. Car déjà, nous n'avions plus de passé. Pourquoi dès lors noter que les quelques signes qui sont les appelants de l'amour, puisque les jeux étaient faits? L'âme vit dans le sang. Et mais pas le sang, mais seuls les âmes en savent quel est le souffle. Le cantique des cantiques. Et nous nous étions baisés les yeux en avouant les noms de notre correspondance. Alors que la vie, avec sa mort, et ma vie, avec la folie, se liait d'un rendez-vous inattaquable, comme le destin qu'il faut fuir quelque temps. Juste ce qu'il faut pour rendre ses décrets inévitables. Et précipiter cette fatalité qui veut qu'on ait n'échappe pas aussi face du miroir de soi-même, puisque le dé, c'est le double qui, lui, ne compose pas. Marie comprit très vite que la roue avait tourné pour elle comme pour Gabriel. Mais c'est à elle que revint la gloire d'avoir décidé seule de tenter ce jeune homme qui ne tenait que Dieu. Thank you. me donner et que seuls quelques-uns élisent par là, apprenant le site de la mort et se vouant pour la j'assumais le sentiment encore innommé. Thank you. voix dès lors. Notez les quelques signes qui sont les appelants de l'âme. Puisque les jeux étaient faits. Thank you. Chaque homme a son étoile, et chaque étoile est une boule de feu qui est aussi un poète. Comme un arbre est aussi du bois, comme un arbre est aussi du bois. Comme Qu'aurons-nous fait et ne sachant où nous avons écrit, où est le lieu des lettres et de ce qui est écrit, nous nous saluons ainsi à la croisée des routes solitaires, échangeant l'eau et le sel dans la halte des pèlerins. Nous ne nous reverrons sans doute pas, chacun se sentant attendu par le monde de son désir. Qu'il doit rêver. Jusqu'à s'apercevoir que toute œuvre n'est que le plan d'une prière qui sera ou non exaucée. Nous qui mangeons les livres comme d'autres jadis mangeaient l'ancêtre pour qu'il ne meure pas, nous attendons en fait alors que sans cesse, c'est nous qui l'aurons dit et dans l'indéfini absolu qui aura été notre vocation. Thank you. Pourquoi? Pour agir. À quoi bon maintenant, puisque tu veux que j'aille?